C'est Léa Manon qui est au téléphone avec nous. Bonsoir Léa. Bonsoir. Merci beaucoup Léa d'avoir accepté notre invitation dans Gironalyse, c'est gentil, merci. Au dernier moment. Et tu as été la plus dure à contacter. Oui. Et qu'il y a un problème. Parce que bon, on va commencer directement, on va s'afficher totalement. On a contacté Léa Manon, alias Chevreuil sur Twitter. Bon, apparemment. C'était pas toi. C'était pas toi. Merci Rico de ce coup. Merci Rico. Donc, du coup, on la salue si elle nous écoute. Un sacré moment de solitude. Mais tu sais, en faisant quelques petites recherches sur Léa, j'ai trouvé qu'il y avait une Léa Manon qui était mannequin aussi. Alors je sais pas si tu la connais. Ah, mais si, c'est moi. Autant pour moi. J'ai vu Léa Manon mannequin, j'ai fait bon, ok. Bah c'est là, bah ça tombe bien alors. Ah, mais c'est la double casquette. Double casquette. Donc Léa, déjà premièrement, on va te dire la même chose qu'à tes trois collègues qu'on a eu avant toi, Andrea, Emeline et Chloé. Déjà félicitations pour cette première saison en Ligue 1 et puis vraiment un grand coup de chapeau de chapeau pour vous êtes foutant de ma gueule comme d'habitude pour vous êtes maintenu. Non Léa, il y a un problème de connexion. Faut quand même expliquer à Léa et aux gens qui nous écoutent. Il fait dans les 30 degrés à l'extérieur. On est dans un studio fermé qu'on ne peut pas ouvrir sinon on se fait ruiner par les moustiques. Il doit faire dans les 70 degrés à peu près dans le studio. Vous avez erraté à ça quand même. Voilà. Ça sent le mal. C'est peut-être pour ça qu'elles sont toutes au téléphone. Hein. Voilà. Je veux dire, c'est pas plus mal, ouais. Pour le coup. Il fait une chaleur, les enfants, c'est affolant. Alors, Léa, donc je disais, félicitations pour cette saison, pour ce maintien à Paris jeudi, le dernier match. Un petit peu la même question pour commencer qu'on a posée à tes collègues. Ouais. Qu'est-ce qui se passe entre cette 82e et le coup de sifflet final? Il y a eu 4 minutes d'arrêt de jeu, je crois, en plus, nous disait Andrea. Ça a dû être quand même. Ça a dû être facile émotionnellement à gérer, quand même. Non, c'était pas facile. On attendait que l'arbitre siffle. Elle sifflait pas. Ça poussait du côté de Paris, en plus. Donc, bon. C'était dur à gérer, mais bon, quand même. On a réussi à bien le gérer et obtenir notre maintien au final. Adrien. Et le sentiment à la fin? Le coup de sifflet final, bah, qu'est-ce gueule. Que vous dites? Ouais, on faisait la gueule, oh mais non. Ouais, on était déçus. Non, mais là, c'est un sentiment extraordinaire. Tu t'es dit que même si on a galéré toute la saison, et au final, on a obtenu ce qu'on voulait, et en plus, bon, tu l'obtiens contre Paris. Donc, bon. En parlant de cette saison, t'as quand même connu quelque chose, enfin, des grosses blessures, il me semble, cette saison. Est-ce que tu vas en ressortir plus forte la saison prochaine? Je l'espère. Après, au niveau des grosses blessures, j'ai eu l'habitude parce que je me suis opéré du genou, tout ça. Donc bon, c'était il y a 2 ans avant la montée en D1, j'ai réussi à en ressortir plus forte parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et voilà. Et... Mais au final, j'en suis ressorti plus forte. Donc je pense que la saison prochaine, je vais repartir sur de bonnes bases et après. Et tu vis tes premières sélections aussi en sélection de jeunes, non? Oui, c'est ça. Donc finalement, la saison se termine super bien. Oui, voilà. Ça a été dur tout au long, mais au final, elle se termine plutôt bien. Et l'année dernière, si je m'en rappelle, alors j'ai peut-être pas de bons souvenirs, pour le premier match de Girondine au nouveau stade, t'avais marqué, non? Oui, j'avais mis un triplé au nouveau stade. Exactement, oui. Tout à fait. C'est pour ça. C'est la première fois qu'on avait entendu parler. Exactement, oui. Une tannée en plus, ça avait été ce match, je crois que c'était un 8-0, une bouchée. Ouais, ouais, tiens d'ailleurs, on en parlait justement avec Andrea en début d'émission. Elle nous expliquait qu'il y a une telle différence de niveau entre l'ADH et après chez les filles, ça bascule directement en deuxième division, première division. Ouais. Comment on gère au début, on se dit, bon, bah, Bordeaux l'année dernière, elle défonçait tout le monde, elle mettait 4, 5, 6, 7, 8 buts à tout le monde. Même vous, comment vous l'avez appréhendé? Parce que finalement, la Ligue 1, peut-être, je sais, alors à moins que je dise une bêtise, peut-être vous aviez déjà affronté des équipes de D1, peut-être en match de préparation. En couple l'an dernier. Non, ouais, on a joué contre des D1 l'an dernier, on a réussi à faire de bons résultats. On s'est fait éliminer en Coupe de France au pénalty par une D1. Mais après, c'est vrai qu'il y a vraiment un gros écart entre le niveau de la D2 et de la D1. C'est vraiment impressionnant, mais après, on le savait. On savait très bien qu'en rentrant dans ce championnat, ce serait compliqué et ce serait totalement différent de la saison qu'on avait passée l'an dernier, quoi. Alors déjà, les Girondines, pour faire remarque et sur la saison, il y a eu sur deux périodes, notamment avec Albi, la défaite contre Albi et le match contre Metz, où on se disait, je ne sais pas si vous l'êtes dit, où ça allait être compliqué pour le maintien. Ouais. Et là, il y a eu cette seconde phase où vous comptez de grosses équipes. Ça veut dire, bon, Lyon, il n'y a pas eu de points, mais le match a été fondateur, comme l'a dit Andrea. Il y a eu Juvisy où vous ramenez le nul. Marseille, qui est une équipe surtout montante où vous gagnez. Est-ce que c'est après Marseille que vous prenez conscience que ça peut le faire? Oui, Marseille. Enfin, les quatre derniers matchs, quoi. Quand on savait qu'on jouait contre les quatre gros du championnat. Et en sachant ça, en voyant qu'on faisait des bonnes performances contre ces équipes-là, je pense qu'à force, on a pris confiance et on s'est dit que rien n'était fini, quoi. Nous, on y a cru jusqu'au bout et au final, c'est ce qui a payé. C'est bon, c'est vraiment une équipe des Girondins, en fait. Contre les petits, ça a du mal. Et contre les gros, c'est bon, ça joue. Ouais, c'est ça. C'est un peu le même parcours. Cyril. Mais c'est un peu un mal pour un bien, finalement, parce que ça va vous conforter à repartir plus fort l'année prochaine, parce que vous vous maintenez à la fin chez le Paris Saint-Germain, vous accrochez Lyon, qui est donc les deux finalistes des deux plus grandes équipes européennes, ouais, finalement, c'est puisque c'est ouais. Elles vont se retrouver en finale des champions. Donc, grosso modo, ça veut dire que l'année prochaine, il va falloir mettre les bouchées doubles, et ça, c'est que positif. Il faudra faire un super début de championnat pour être plus régulier. Voilà, pour conforter cette place en Ligue 1. Et surtout pas perdre de points contre les concurrents directs. Et essayer d'assurer le maintien vers mi-avril, quoi. C'est ça, c'est ça. Après, l'an prochain, on aura ce sera notre deuxième saison en D1. Je pense que l'expérience de cette saison, elle nous aura servi et on fera pas les mêmes erreurs contre les concurrents directs. Et ça impressionne de jouer contre des joueuses qui ont un statut international. On parlait avec Emeline Laurent qui parlait de Wendy Renard qui joue à Lyon, ça, et qui était un peu son modèle. Est-ce que ça impressionne de jouer contre des joueuses comme ça? Moi, je pense que le premier match, oui. Après, au match retour, par exemple, contre Paris, j'étais moins impressionnée qu'au match aller. Et dans la préparation du match, quand on joue, alors sans vouloir faire... quand on sait qu'on est Bordeaux, on est promu et qu'on va jouer l'Olympique Lyonnais, on se dit, bon, l'objectif, honnêtement, l'objectif, c'est quoi? C'est de se dire, bon, on fait ce que nous, on a mis en place et on n'en démord pas et puis il se passe ce qui se passe, on en prend si on... Voilà, parce en fait, que... c'est comme les mecs aussi. Hein. Ouais, non, mais voilà, c'est un peu le même rapport. Non, mais... Je vous compare, oui. Je dis ça parce qu'au niveau féminin, après, je sais pas si Léa va être d'accord, mais l'écart, je trouve, moi, entre une grosse équipe et une équipe faible est beaucoup plus... comment dire? Mais surtout en Ligue 1. Flagrant. Surtout en D1, voilà, en fait. Surtout en première division, sans vouloir refaire offense par exemple à l'équipe de Metz. Entre Metz et Lyon, oui. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'en D1, le dernier peut attraper en Ligue 1. Mais même en Ligue des Champions, Lyon et Paris ont mis des raclées à plein d'équipes. Regarde, sur les quatre derniers matchs, Bordeaux, ils ont accroché Juvisy, ils ont accroché Marseille, ils ont accroché Paris. Mm. On a tenu la dragée haute à Lyon, donc finalement... Alors justement, qu'est-ce qui explique justement l'inverse? C'est-à-dire que face à des grosses équipes, vous arrivez à être performante et à ramener des points. Et on se souvient de certains matchs, je pense à Soyo, à Metz, il y a eu quoi, Albi, même à Saint-Etienne, qui est en début de saison, qui finit en D2. Je crois qu'ils viennent gagner à Bordeaux. Elles viennent gagner à Bordeaux, je crois que 5 ou 6 ou 7. Ouais. Qu'est-ce qui, justement, pourtant, je suppose que vous devez sûrement aborder la préparation tout quasiment de la même façon dans le... Ah oui, ça change pas que ce soit une équipe du haut de classement ou bas de classement, c'est toujours la même préparation. Après, je sais pas, honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui change. Peut-être la motivation de jouer contre des grosses équipes, je sais pas. Le fait de rien perdre aussi. Ouais, ou peut-être de devoir faire le jeu contre les petites équipes. Oui, voilà, le fait qu'il n'y ait rien à perdre aussi, c'est vrai. Comme parce que après, les quatre derniers matchs, comme on jouait le tout pour le tout, quoi. Donc je pense qu'on est plus relâché et c'est ça qui nous a permis de kiffer. C'est ça qui nous a donné du résultat, quoi. J'espère que vous avez kiffé quand même sur le terrain parce que finalement, c'est des moments, c'est des beaux moments. Et Charletti qui a un beau stade en plus. Ah oui, c'est un beau stade, bonne ambiance, parce qu'il y avait pas mal de supporters. Il y avait les deux UCOP Ultra, PSG. Ah, il y avait le CUP qui était là-bas. Ouais. Bah, t'as dû voir notre ami Emeric qui se balade avec les Marinés Blancs Île-de-France et puis qui accessoirement fait partie de l'équipe de l'émission. Ah oui, c'est possible. En plus, ils sont venus nous féliciter à la gare et tout après. Il était là, Rico, avec ses cheveux frisés et ses lunettes. Ah, mais oui. Tu dis cheveux frisés direct. Est-ce que vous lui avez donné un surnom? Ouais, je l'ai vu. La mascotte. Voilà, il est reconnaissable. Ils sont top aussi, ils nous ont suivi la saison, ils nous ont poussé. Ça aussi, je pense que ça y a joué aussi. Ils n'ont jamais douté de nous. Non mais il faut savoir que Emeric vous appelle ses chouchous, donc grosso modo il nous a dit prenez soin de nos chouchous. Donc on lui a dit t'inquiète chaussette, ça va bien se passer. Les réflexions de trentenaire, je suis désolé hein, parce que t'es jeune, t'es pas habitué à ce genre de remarques. Mais tu vois, je vais pas faire le faux jeune, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas faire toi. Voilà. Enfin, Cyril, il a dit vous avez kiffé. Je vais pas faire genre, tu vois, je vais pas faire genre le gars, j'ai 34 ans dans un mois, je vais pas faire genre le gars, il utilise des expressions de jeune de maintenant, tu vois. J'utilise les miennes de base. Voilà. Bon, alors après des fois c'est un peu démodé. Tu nous sors des dabs des fois comme ça. Ouais, le dab. Gilles de la Tourette version dab. Ouais, c'est plus Gilles de la Tourette que le dab. Juste une petite question parce qu'on en a parlé avant nous. Est-ce que tu as parlé avec Elisa Launay de sa venue dans GA il y a une semaine? Non, j'ai pas eu l'occasion. Non. Eh ben c'est pas plus mal. non, ça s'est très bien passé. Elle était top. Pas nous, mais elle, oui. Marco, pour terminer ou pas? Parce qu'il est 11h et qu'on va. Ouais, non, mais c'est. Arrête, tu es de Bordeaux, si mes informations sont exactes. Les informations de Rico, c'est pas compliqué. Attends, il s'est trompé de profil Twitter, alors. J'ai pas entendu, je suis désolé, vous avez dit quoi? Non, que tu es de Bordeaux. Ouais. Comment tu as vu l'engouement autour de l'équipe féminine évoluer? Parce que tu faisais partie de Blanquefort avant ou pas? De quoi? Tu faisais partie de Blanquefort avant ou pas? Ouais, j'avais fait une saison avec les plus jeunes, les 19. Donc comment as-tu vu l'engouement autour du football féminin et de votre équipe évoluer à Bordeaux? Est-ce que tu trouves que qu'il y a quand même une différence depuis que vous êtes passé sous Fanion Girondin ou est-ce que ça reste quand même assez tranquille? Non, oui, il y a une différence comparée à avant. Déjà au niveau de la structuration et tout ça. Et ça fait plaisir de voir évoluer le foot féminin dans la région de cette manière. Et le grand stade, ça a dû être un grand moment. Un triplé vraiment, au grand stade. On espère vraiment l'année prochaine. Aucun joueur qui a ce que fait. On espère vraiment l'année prochaine de revivre ça. Et si jamais vous avez l'occasion d'en discuter, ça ferait beaucoup de plaisir aux supporters. C'est clair, Adrien a raison de le souligner. T'as fait un truc, Léa, quand même. Personne n'a fait ça. Personne. Tu es la seule à avoir mis un triplé sous le maillot bordelais au nouveau stade. Et même, je crois pas qu'il y ait d'autres équipes. Même équipe adverse. Donc, t'es la première joueuse. Et c'est dans l'histoire. Elle est dans l'histoire. T'es la première joueuse à avoir mis un triplé au nouveau stade. Et donc, international U19. De quoi? Tu es aussi international U19. Ouais. Tu as d'autres ambitions, c'est un grand mot. Mais on avait eu tes compères qui nous disaient que la carrière elle doit servir aussi en fonction d'un projet professionnel et d'un projet de vie. Comment vont s'organiser la suite pour toi? Là je passe mon bac en fin d'année là, dans 3 semaines du coup. Et oui, tu prends un coup de vieux, Marc. Le bac. En gros le bac c'était il y a 16 ans. Poum. Mais merde déjà. On va te souhaiter bonne chance évidemment, oui. Ah mais c'est gentil, merci. Et donc à 23h t'es pas en train de réviser, t'es en train de parler c'est quoi, là. Attends, elle m'a dit qu'elle était à la plage aujourd'hui, je comprends pas. On peut se détendre un petit peu, non? Bah oui, c'est surtout sur ça. C'est pas comme si vous étiez maintenu en Ligue 1 hier. Voilà. Non, ouais. J'ai le bac, après j'ai un projet. Je compte continuer mes études dans le secteur de la communication. Pour ensuite, j'espère devenir journaliste sportif. Et à côté de ça, je pense que je vais continuer le foot au Girondins et je vais avoir comme objectif de gagner un peu plus de temps de jeu et de pourquoi pas participer à une Coupe d'Europe avec l'équipe de France. Donc, et dans deux ans. Journaliste sportif, donc si jamais tu veux venir dézinguer du Girondin à l'antenne, tu es... Ouais, et puis n'hésite pas, on peut te pistonner auprès de Margot Dumont. c'est vrai, j'ai son numéro, j'ai le numéro de Xavier Domergue. On a des réseaux. On a des réseaux. Non mais si jamais un jour tu veux te lancer... Tu dois faire un stage ou... Non, pas chez nous, je parle à Beansport. Un conseil passe pas par nous. Surtout pas par Adrien. Ne compte pas sur nous parce que non, ça n'a pas marché. En tout cas, comme j'ai dit aux quatre avant, j'ai voulu tenir ce même discours. Le football féminin, c'est pas forcément la chose qui est la plus facile à suivre pour nous supporters bordelais. En termes de rediffusion télé. En termes de planning, parce qu'on a tous aussi nos vies, etc. Donc c'est compliqué qu'on fait des choix. Et que forcément notre choix va à l'équipe pro qu'on suit depuis qu'on est tout gamin. Mais est-ce que vous avez créé cette année, est-ce que vous avez créé la saison dernière? Moi personnellement, vous m'avez vraiment donné envie de vous suivre l'an prochain. Donc moi qui suis jamais vraiment venu à part quand vous avez joué au stade René Galis, je viendrai vous voir à Blanquefort et autres parce que vous m'avez donné envie de vous suivre. Vous avez il été sympathique. Même un déplacement. Non, le déplacement, ouais. Faut pas déconner parce que là, j'ai vraiment pas le temps. Bah, soyons, c'est pas. Mais ouais, félicitations, c'est vraiment quelque chose que vous avez créé. Ça a été compliqué, franchement, de suivre les dernières secondes, dernières minutes du match sur Twitter parce qu'on pouvait pas voir le match pour certains. Donc, ouais, vraiment une attente particulière. Félicitations à vous et merci pour la disponibilité parce que tous. Ouais. Vous avez été quatre ce soir à nous accorder du temps. Tout ça s'est fait dans la journée. Voilà. C'était pas facile pour tout le monde. Merci de nous avoir laissé ce temps-là. Et on voulait quand même vous remercier. Voilà, vous remercier et vous donner ces deux heures pour consacrer l'émission parce qu'on l'a jamais fait, mais que vous le méritez. Ben merci beaucoup à vous déjà pour nous avoir permis de faire ça également et voilà, merci de nous suivre et de nous supporter dans ces moments-là. Et un conseil, je sais pas où tu es, mais prends un parapluie et vite. Parce que vu ce qu'on est en train de prendre sur le coin de la tronche, je sais pas où t'es sur la région. De vent, mais si t'es sur Bordeaux, non, prends un ciré. Je suis loin, Ah ouais. J'espère pour toi, parce que là, on est en train de prendre un truc, les enfants, on a quelque chose de bien. Adrien. Alors on va terminer avec la question pourrie. On termine avec la question pourrie d'Adrien, tu vois, c'est bien pourri. Non, mais d'abord, on va dire qu'il y a Chloé. On a chacune laissé un message pour celle qui prenait le relais. Chloé souhaite d'avoir une carrière à la hauteur de ton talent. Voilà. D'abord. Là, tu dis ça, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, je te pose la question. Est-ce que tu as une joueuse modèle avant en de répondre à sa question pourrie, franchement, t'as pas un dossier à balancer sur une de tes collègues qu'on a eu tout à l'heure parce que il y a Andrea, elle arrête pas de parler. Personne, vous avez toutes été mignonnes et tout. Il y a pas un petit dossier qui est sorti. On a senti quand même un truc quand même chez le bon anniversaire. Ouais, sur le bon anniversaire, il a commencé à y avoir un petit truc. T'as pas un dossier à balancer, même sur Elisa Launay qu'on a eu la semaine dernière. Non, dis, réponds pas. Réponds franchement, pas. Non, j'ai rien du tout. C'est bon. Bien, bonne langue de bois. C'est pour tester, pour savoir si vous aviez. C'est bon, c'est qu'elle te menace. C'est bon, ça. Mais du coup. Et du coup, la question. Ah oui, du coup, la question pourrie. Parce qu'elle a vu quand même. Mais oui, tu n'oses pas ouvrir la porte, t'as dit que c'était pourrie. Le modèle. En équipe de France ou partout. Partout. Oda la taf, je sais pas. Putain, Oda la taf, je m'en souviens plus. Un modèle. Je m'en souviens plus. Homme ou femme confondu, comme tu veux, joueur, joueuse, entraîneur, coach, qui t'inspire, qui tu dis tiens, j'essaie de m'inspirer un peu de ce que fait ce joueur ou cette joueuse. Son modèle, c'est un mais arrêtez de l'aider, elle a voulu la question quand même. On l'a prévu qu'elle est pourrie, elle a voulu. Elle passe son bac bientôt, il va falloir qu'elle s'entraîne à répondre aux questions compliquées. Allez, c'est l'oral. Voilà, c'est ça. Non, un joueur, j'irais. Ounas. Iniesta ou Modric qui joue à Monaco. Ah oui. Iniesta. Ah oui. Et en équipe de France, Amandine Henry, vu que moi, je sais, et le speaker des Girondins, Eric, a le même goût que moi au niveau de la qualité de jeu. Amandine Henry, ça te plairait le style et tout ça? Ah oui, bah oui. Amandine Henry, bien sûr. Eric, ouais, et l'on salue, évidemment. On lui souhaite d'être la prochaine Amandine Messieurs, Henry. Il est 23h06, on va se quitter là-dessus. On dit merde pour est-ce ton bac dirais un petit mot. Ah mais oui, il n'y a pas de problème. Je fais un gros bisou à ma famille et à la famille Dior. Pas de problème, le message est passé. Un gros bisou à la famille Dior. On les salue également. C'est la famille. Léa, on va te souhaiter bonne chance pour les échéances qui arrivent très bientôt, à savoir le bac. Bah ouais, là, bah, quand même, oui, c'est important. Tout se passe, c'est important. C'est... Si on l'a pas tout su. Et si tu veux, on fait une brève sur Girondin 33. Oui. On fait un top tweet. Enfin, si ça réussit. Bon, ça va réussir. Ouais, c'est clair. Voilà, on va te féliciter encore. Et puis, juste un petit peu moins de frayeur qu'avec le match d'hier. Tu peux l'avoir ou là-bas. Non, d'ailleurs, ouais. Ça c'était une vraie question parce qu'au final on me dit que des conneries. Mais j'ai une vraie question. Comment t'as réussi à organiser le lycée? Parce que pour passer le bac, il y a quand même des matières obligatoires. Enfin, il y a une certaine connaissance. C'est un peu compliqué quand même d'aménager le programme. Comment ça s'est passé pour toi? T'étais dans une école comme à Mérignac, un lycée où il y a les activités en fait, sportives. Moi, je m'entraîne pas du tout avec les filles la semaine. En fait, je suis en pôle espoir à Toulouse. Du coup, je fais les voyages tous les week-ends. C'est pour ça que ça a été un petit peu compliqué aussi cette année au niveau du Toulouse. Alors double respect. Hein. Double respect. Enfin, double voilà, position aussi quand même. Du coup, comme je suis en pôle espoir, j'ai des aménagements au niveau de l'emploi du temps et tout ça, donc c'est assez facile de gérer. Après, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas trop de temps pour réviser tout ça. Mais sinon, au niveau des cours, ça va, j'ai bon emploi du temps, parce qu'il m'aménage tout. Bon, hey, tu peux nous le dire, on est entre nous. Toulouse, c'est quand même pourri à côté de Bordeaux. Franchement. Mais bien sûr, Bordeaux, c'est 1000 fois mieux que Toulouse. Bien, parfait. Mais je crois que tu es prêt pour... Là-bas, on dit chocolatine aussi, donc bon. Oui. Ouais. On s'en fout. Ouais. On s'en fout. Mais bon, ils disent pas gavé. Ah, un peu, ouais. D'ailleurs, tu suis le foot en général, enfin les Girondins plus particulièrement, ou parce que certains de tes camarades disent que tu ne fais pas forcément le foot? Ah si, si, moi je suis le foot et puis j'ai pas le choix de toute façon. Même si je voudrais pas suivre, je serais obligée avec mon copain. Pas de bol. Prochain moment qu'il supporte pas Toulouse, ça va. Il supporte les Girondins, le copain. S'il supporte les Girondins, ça va. Ah ben oui, alors là... Bon, bisous copain. Salut à toi camarade. Allez, merci beaucoup Léa, ouais. Bonne chance pour la suite et puis bienvenue quand tu veux. Voilà, et on va te voilà, on va dire la même chose qu'à tes collègues. Il y avait le copain. OK, si mais merci à vous aussi. Alors. Il y a pas de problème. Merci beaucoup Léa, bonne chance et puis bonnes vacances. Merci, au revoir. Merci, ciao. Et bon courage, merci. Et bon courage. Allez, hop là. À bientôt. À bientôt. À bientôt.